Once again, without emotion, the humans are dead. Flight of the Conchords avec Robots. Maintenant, c'est l'heure du fil jeu vidéo. Cette semaine, beaucoup de nouvelles quand même dans le fil jeu vidéo, mais des nouvelles d'un petit peu moins d'importance que les nouvelles précédentes. Mais on commence avec le 19 juillet dernier, Silicon Knights a lancé une poursuite contre Epic Games alléguant que la compagnie n'a pas respecté le contrat concernant la licence de la technologie Unreal Engine 3. On rappelle que SK utilisait cet engin pour produire Too Human avant de changer ses plans suite à des problèmes techniques. Cette semaine, donc, Epic Games récidive et poursuit à son tour Silicon Knights, affirmant que le studio tente de s'enrichir illégalement aux dépens de Epic. En fait, Epic allègue qu'après avoir utilisé le Unreal Engine 3 pour créer Too Human, Silicon Knights veut maintenant être remboursé sans raison, ce qui est contre les termes de l'entente. Epic Games continue d'affirmer que la poursuite de Silicon Knights est sans fondement et la contre-poursuite démontre que la compagnie a l'intention ferme de se défendre. Autre chose, genre de truc là, quand même dans la même veine, quelques jours après avoir annoncé le retrait de 3 jeux du PlayStation Store et promis de tenir rapidement au courant les acheteurs lésés, Sony tient cette semaine sa parole en adressant un email aux intéressés. Donc, sans grande surprise, les joueurs incommodés par les bugs de Medieval, Spyro 2, Crash Bandicoot 2 a été épargné. Par contre, ce qui ne l'a pas empêché d'être retiré du service, on ne sait pas pourquoi, seront intégralement remboursés. Et ce, dans les 7 prochains jours. On ignore néanmoins si et quand les 3 titres de PlayStation 1 seront à nouveau disponibles en téléchargement. Toujours au sujet de Sony par la bande, si on veut, selon les plus récentes données de ChartTrack, 1 million de Wii auraient bientôt été vendus au Royaume-Uni. Présentement, semaine après semaine, pour chaque Xbox 360 vendu, 4 Wii sont vendus. Mieux encore, ou pire, selon la perspective, dit l'article de Jeux Express, si 6 Wii sont vendus pour chaque PlayStation 3 vendu. Pourtant, pendant longtemps, l'Angleterre et ses voisins ont été reconnus comme étant de grands supporters de tout ce qui est Sony. Tout indique que les ventes de la Wii dépasseront celles de la GameCube quelque part en septembre. Un exploit assez incroyable quand on sait que la console est sur le marché depuis moins d'un an. Maintenant, du côté de Microsoft, le Game Fest donné par Microsoft a été l'occasion pour la firme américaine de clarifier son positionnement face aux jeux massivement multijoueurs sur Xbox 360, donc les MMO, et de tendre la main vers les développeurs à ce sujet-là. L'épineux dilemme de l'espace de stockage qu'on associe régulièrement à la désertion des MMO sur nos consoles a été évoqué par Microsoft. L'article vient de chez GameCult.com. Le constructeur a publiquement invité les studios intéressés à exiger des joueurs un certain nombre de gigs de mémoire pour jouer à leur jeu, chose qui était jusqu'alors pas recommandée sur Xbox 360, dont les disques durs varient en fonction des modèles. Une décision en tout cas lourde de sens pour l'avenir des MMO sur la console, même si, afin de contrer les dérives potentielles, il semblerait que cette permission ne concerne que les jeux massivement multijoueurs, ignorant de fait les doléances de certains développeurs qui regrettaient la faible capacité de mémoire du DVD face au Blu-ray de la PlayStation 3, par exemple. Dans le même registre, Ian Lewis de Microsoft a également tenu à mettre en garde les impliqués et je cite « Libre à vous de demander 30 gigs pour votre jeu, ça risque seulement de réduire drastiquement votre public potentiel, évidemment. » On attend maintenant de voir les répercussions du côté des éditeurs tiers, donc, qui ont désormais carte blanche pour investir massivement dans ce type de projet. Maintenant, du côté de Electronic Arts, la semaine dernière, EA et Hasbro ont annoncé la signature d'une entente qui va permettre à Electronic Arts d'utiliser plusieurs franchises de Hasbro. Donc, dès 2008, il va falloir s'attendre à voir de nouveaux jeux basés sur des franchises comme Monopoly, Scrabble, Yahtzee, Nerf, Tonka et Littlest Pet Shop. Electronic Arts promet de supporter toutes les plateformes importantes. L'entente qui s'étendra jusqu'en décembre 2013 stipule aussi que Hasbro pourra créer des jouets à partir des propriétés intellectuelles de Electronic Arts. Pourquoi jouer à des jeux de société sur une console de jeu? Je me suis toujours demandé parce qu'il me semble que ça enlève tous les seuls bons côtés d'un jeu de société, c'est que tu te ramasses en société. Mais bon, si ça se va, pourquoi pas? Le populaire jeu d'action à la première personne Condemned de Criminal Origins se verra porter au grand écran. Seulement, cette adaptation ne portera pas le même titre que le jeu. En effet, Warner Brothers Pictures va lancer le film sous le nom de The Unforgettable, qui remplace ainsi le nom Species X, choisi à l'origine pour le projet. The Unforgettable sera réalisé par Basil Iwanick, David Goyer et Jason Hall. Ce dernier a été l'un de ceux qui ont eu l'idée originale de Condemned alors qu'il était vice-président de Warner Brothers Interactive. Tarsim Singh du film The Cell sera aussi impliqué dans le projet. Le film va se centrer sur un policier qui, au cours d'une enquête pour meurtre, se questionnera sur ce qu'il est en tant qu'homme jusqu'au moment où il réalisera qu'il n'en est pas un. Et je cite, ça a des bribes de Terminator et de Highlander et ça provient du même œuf que de Condemned, a dit Iwanick. C'est une expérience qui, si elle est fructueuse, pourrait être un tremplin et une bonne chose pour le studio. Donc Warner Brothers espère pouvoir lancer le film au même moment que le jeu Condemned 2, ce dernier étant prévu pour le début de 2008. Un orchestre symphonique britannique donnera en septembre le premier concert de musique classique virtuelle dans Second Life. Le Liverpool Philharmonic qui invite les amateurs de musique classique de partout dans le monde à venir écouter son concert du 14 septembre prochain. Le concert va se dérouler dans une version tridimensionnelle de la salle de spectacle régulière de l'orchestre à Liverpool, une ville du nord-ouest du Royaume-Uni. Dirigé par le jeune chef russe Vassili Petrenko, 31 ans, l'orchestre interprétera en temps réel des pièces des compositeurs Sergei Rachmaninov et Maurice Ravel, en plus de celles de deux compositeurs, Liverpudiens, John McCabe et Kenneth Hesketh. Comme dans un vrai concert, les spectateurs vont pouvoir ajouter des boissons, parler à d'autres personnes et même aller aux toilettes pendant l'entracte. Après le concert, l'avatar de Vassili Petrenko se joindra virtuellement aux spectateurs du concert afin de répondre à leurs questions. Avec ce concert virtuel, les dirigeurs de Liverpool Philharmonic cherchent à faire connaître un peu plus leur orchestre symphonique aux internautes et veulent rendre la musique classique plus accessible. Une bonne façon de le faire dans Second Life qui est vraiment littéralement rendu la seconde vie de beaucoup de personnes. À noter que l'orchestre dispose d'un nombre limité de sièges virtuels et que les internautes qui désirent voir le concert vont devoir s'inscrire gratuitement sur son site internet qu'on trouve au liverpoolphil.com afin de tenter d'obtenir des billets qui seront tirés au hasard le 10 septembre. Alors qu'on attendait depuis plus de 10 ans la sortie de Duke Nukem Forever, voilà que 3D Realms pourrait bien offrir le premier jeu de cette franchise sur Xbox 360. En effet, le PDG de la compagnie, George Broussard, a déclaré que son équipe pourrait bien développer une version Xbox Live Arcade de Duke Nukem 3D si Microsoft était intéressé. Et je cite, « Pour dire la vérité, nous avons parlé à Microsoft et à propos de cela, et nous avons quelques personnes qui le porteraient. Nous attendons juste le bon mot de Microsoft. » Donc, connaissant la grande ouverture de Microsoft, dit l'article de Hardgamers.com, ainsi que la grande popularité qu'a connue Duke Nukem 3D il y a plusieurs années, ne vous étonnez pas de voir une réponse positive de la part de Microsoft sous peu, ce qui serait quelque chose de très. Voilà qui fait le tour pour le fil jeu vidéo. C'est les nouvelles qui ont marqué le monde vidéoludique cette semaine. Mais avant de continuer sur notre bon chemin, allons voir les jeux les plus loués. Pour la semaine dernière chez Superclub Vidéotron, passons de la 10e à la 6e rapidement. God of War 2 PS2 en 10e, 9e Overlord sur 360, 8e Forza Motorsport 2 sur Xbox 360, en 7e Dirt sur 360 et en 6e c'est NASCAR 08 sur la PS2. En 5e, NASCAR 08 sur la 360, en 4e c'est Transformers The Game. Transformers sur la PlayStation 2. En 3e, c'est Guitar Hero Encore Rocks the 80s sur PlayStation 2. En 2e, c'est Mario Party 8 sur la 8. Et en 1e, c'est Mario Strikers Charge. 184 000 d'alcool et elle est encore loin de l'âge d'or. Souvent au volant, je m'endors, mais son bruit me réveille encore. Quelle belle voiture, tu trouves que je fais un rêve pour que tu m'assures. Je pense qu'à elle, son carburateur. Je pense qu'à elle, son carburateur. Je pense qu'à elle, c'est le trop bizarre. Je pense qu'à elle, parce qu'elle est belle. Tant de moments magiques passés avec elle, voyez dans le trafic. Tous ces problèmes de mécanique en sont venus à bout d'un bon fric. Quelle belle voiture, tu trouves que je fais un mail pour que tu m'assures. Je pense qu'à elle, son carburateur. Je pense qu'à elle, son radiateur. Je pense qu'à elle, c'est rétro-visant. Je pense qu'à elle, parce qu'elle est belle. Mais elle t'amènera où tu veux. Ben de garage avec Sunbird à la connexion, assez fou, 89.1 FM. Maintenant, c'est le fil technologique. Regardons donc les nouvelles qui ont marqué le monde de tout ce qui n'est pas ordinateur ni jeux vidéo, mais qui a rapport avec la technologie quand même. On commence par une nouvelle étude de Palm Canada en collaboration avec la firme Léger Marketing qui révèle que la malbouffe de demain pourrait être électronique. Et l'article vient de branchezvous.com. À la demande de Palm, donc Léger Marketing a mené une enquête sur les habitudes de consommation des services mobiles. 60% des 1000 personnes interrogées ont indiqué être toujours branchées. Le même nombre a indiqué utiliser des technologies de communication pour équilibrer vie de famille et vie professionnelle. C'est probablement ce qui explique que 76% ont également affirmé poursuivre la lecture de leur courriel après les heures de travail. Ce que vous faites, j'imagine, tout ça. Cette forme de surconsommation, au lieu de s'attaquer à la santé des personnes, s'attaquerait à la santé de la vie de famille. On peut clairement voir s'atténuer la mince ligne entre la vie de famille et la vie professionnelle. 28% des Canadiens interrogés ne travaillent pas le samedi, mais admettent faire un peu de travail le dimanche. Et 27% ont répondu travailler plus de 10 heures par jour. Ces habitudes empiètent sûrement sur la vie de famille, car 27% des répondants lisent leur courriel à table pendant les repas. 38% avouent qu'ils travaillent durant les rencontres sociales ou de famille. Et 58% qui lisent leur courriel avant de se coucher. Évidemment, la facilité et la rapidité d'accès des courriels et autres messages instantanés sont en grande partie attribuables à ce phénomène, dit l'article. Reste à savoir si le phénomène de nouveauté joue également un rôle dans cette situation. Donc, le lien avec la technologie est un petit peu tiré par les cheveux, mais quand même, je trouvais que c'est intéressant. À New York, selon l'agence France Presse, donc certains utilisateurs de l'iPhone, le nouveau téléphone portable multifonction d'Apple, ont eu la désagréable surprise de recevoir un colis de 300 pages. En guise de facture de téléphone, c'est ce qu'on a appris cette semaine. Tous les messages et appels ainsi que les activités payantes sont détaillés sur ces factures de l'opérateur AT&T américain qui détient l'exclusivité sur les abonnements de l'iPhone aux États-Unis. Ces cas ne sont pas des exceptions car différentes formules de facture existent. C'est ce qu'a affirmé le porte-parole d'AT&T joint par l'agence France Presse et je cite... Ils peuvent avoir la facture super détaillée ou une version papier sans tous ces détails. Enfin, ils peuvent recevoir leur facture par Internet. Ce sont eux qui choisissent. Ils nous appellent ou vont sur notre site Internet et nous changeons cela. AT&T a refusé de dévoiler le nombre exact de personnes concernées par la facture super détaillée de 300 pages. M. Siegel a affirmé que ce chiffre était confidentiel. Cité par le journal USA Today, un analyste de chez Enderall Group estime que non seulement ça coûte de l'argent à AT&T de faire ça, mais ça énerve les consommateurs. Il y a aussi le fait que c'est du gaspillage de papier, mais bon, c'est du mauvais commerce, dit-il. Une vidéo d'une consommatrice ébahie par le nombre de pages que sa facture contenait a fait l'objet de près de 100 000 visites sur le site de partage de vidéos YouTube et, étrangement, je l'ai mis dans les liens d'unechance.com si ça vous tente d'aller voir la vidéo. Je crois que j'ai mis dans mon autour du net, on le regardera ensemble tantôt, si ça vous tente, d'accord. Avertissement de Nokia. La compagnie finlandaise Nokia, principal fabricant mondial d'appareils cellulaires, a fait état mardi dernier d'un risque de surchauffe pour 46 millions de batteries utilisées dans ses téléphones portables, précisant que l'entreprise les remplacerait gratuitement. Selon Nokia, l'avertissement concerne uniquement 46 millions de batteries de type BL5C sorties des usines de la société japonaise Matsushita Battery Industrial entre décembre 2005 et novembre 2006. Plusieurs sous-traitants, dont Matsushita, ont fabriqué quelque 300 millions au total d'accumulateurs de ce type pour Nokia. Les fabricants précisent qu'une centaine de cas de surchauffe de batterie fabriqués par Matsushita ont été recensés dans le monde. Toutefois, aucune blessure grave ni dégâts n'ont été signalés. C'est ce qu'a ajouté un communiqué de Nokia. La plupart des incidents de surchauffe se sont produits lors de la charge des batteries, selon Nokia, qui remplacera toutes les batteries concernées par cet avertissement. La société finlandaise emploie 110 000 personnes dans le monde entier. Elle a vendu au deuxième trimestre de 2007 quelque 100 millions de téléphones portables et revendique 38% du marché mondial. L'article vient de canoe.com. Donc, si vous branchez votre Nokia, restez à maison. Hein? C'est à peu près ce que ça veut dire. Donc, faites tout pour le fil technologique des nouvelles qui ont marqué le monde. Tout ce qui est pas informatique ni jeux vidéo, mais qui a rapport avec la technologie, c'est à peu près le concept de la chose. Mais avant de continuer notre émission, encore une fois sur notre excellente lancée, comme toujours, regardons un petit peu le top 15 des mots-clés les plus recherchés la semaine dernière. De la 10e à la 6e, MapQuest, Emploi Québec, Cinéma 411 et Accédé en 5e et 4e, c'est stable. L'Auto-Québec en 5e et les PAC en 4e. En 3e, c'est une descente pour Météo Média. En 2e, c'est une remontée pour Hotmail. Et en première, eh bien, c'est stable. Et c'est encore une fois Horoscope. Je pense qu'un jour, les gens vont peut-être se tanner de ça. En tout cas, j'espère que ça va arriver, mais je vois pas la fin de ça. Si vous avez des commentaires ou des suggestions pour l'émission La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo, celle que vous écoutez en ce moment même, téléphonez en direct le jeudi après-midi au 819-376-5188. Ouais. Du soir au matin, sans trop savoir, je laisse en suivre un chemin. Au retour, les utilisateurs de Facebook sont-ils trop crédules? À la connexion assez fou 89.1 FM. Bonjour, c'est La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est Fou 89.fm, votre radio campus à Trois-Rivières. Je m'appelle Mathieu Plante. Dans quelques minutes, c'est le fil informatique. On va parler de Facebook. On va parler aussi de Universal qui va vendre des chansons sans protection et d'entreprises qui tentent de faire de Wikipédia un outil promotionnel. Quelle bande de joyeux lurons. Un peu comme Percy Farm. Percy Farm sont joyeux. Là, ils ont l'air déprimés, mais ils sont joyeux pareil. Percy Farm avec une pièce du palmarès anglophone The Hour Hand à la connexion, l'émission de technologie informatique et de jeux vidéo à C'est Fou 89 FM. Maintenant, c'est l'heure du fil informatique. Et cette semaine, on commence avec Facebook. Facebook, c'est à la mode. Les gens aiment ça. Les enfants adorent. Une recherche menée par Sophos indique que les abonnés du réseau de socialisation Facebook donnent trop facilement leurs renseignements personnels. Et pour mener cette étude, les experts de Sophos ont créé la fiche d'une personne fictive qui s'appelle Freddy Star, qui est un anagramme de ID Fraudster. C'est tellement drôle. En guise de photo, ils ont présenté l'image d'une petite grenouille en plastique et ils ont précisé un minimum de renseignements sur cette personne. Au nom de Freddy, ils ont ensuite envoyé une demande de lien d'amitié, un friend request, à 200 personnes au hasard. L'objectif était de recueillir le plus d'informations possible sur chaque personne. Donc, un faux compte avec pas beaucoup de détails qui demande d'être ami avec des gens parce que sur Facebook, il faut être ami avec quelqu'un pour voir ses détails. Et voilà, voici ce que ça a donné, d'accord? De la façon dont Facebook fonctionne, d'accord, les personnes qui acceptent la demande déterminent le degré d'accès à leur profil auquel aura droit le demandeur. Les résultats, donc, les 87 personnes sur 200 ont répondu à cette friend request. Dans la plupart des cas, Freddy a reçu des photos de famille, de l'information sur les goûts, les passe-temps et d'autres renseignements personnels. L'une des personnes a même indiqué le nom de fille de sa mère, une information souvent demandée pour accéder au compte bancaire en ligne. Le problème est que malgré que le demandeur soit de toute évidence une personne fictive, les gens ne se sont pas méfiés et ont donné automatiquement accès total ou partiel à leur profil. Ils ont dévoilé des renseignements qu'ils ne donneraient pas à un inconnu qui les aborde sur le trottoir. Voilà. Sophos propose sur son site un guide des bonnes pratiques sur Facebook. Le document est malheureusement seulement en anglais, mais si vous voulez aller le voir, passez par l'article de Branchez-vous qui s'appelle « Les utilisateurs de Facebook sont trop crédules ». C'est sur le site de l'émission, le unechance.com, www.unechance.com. Vous allez retrouver toutes les notes de l'émission d'aujourd'hui et la balado-diffusion en MP3 de chaque émission. L'étiquette de disque Universal Music vendra sur Internet les chansons de ses artistes sans système de protection contre la copie, sans Digital Rights Management ou DRM. Dans un communiqué de presse publié cette semaine, Universal affirme que des milliers de chansons de son répertoire vont pouvoir être achetées durant une période limitée en format MP3. L'étiquette de disque étudiera ensuite l'impact de ce changement de cap, notamment sur la demande des consommateurs et sur le piratage avant de prendre une décision finale. Rappelons que Universal, c'est l'étiquette de plusieurs centaines d'artistes, dont 50 Cent, Black Eyed Peas, Amy Winehouse et plusieurs autres. Google, Walmart et Amazon figurent parmi la liste de distributeurs qui vont pouvoir vendre sur Internet les chansons de Universal. Par contre, iTunes ne figure pas dans cette liste. Universal précise dans son communiqué que les propriétaires de iPod vont pouvoir tout de même faire jouer ces chansons. En avril dernier, l'étiquette rivale EMI a également annoncé que les chansons de son répertoire allaient pouvoir dorénavant être achetées sur Internet sans système anti-copie, mais aussi dans une qualité sonore supérieure. Donc, les DRM, c'est un système de protection, d'accord? Hein? Pour ceux qui ne comprennent pas, DRM sur Wikipédia, très facile. Parlant de Wikipédia, vous allez voir, le lien est vraiment génial. Un nouvel outil de recherche a permis de démontrer que de nombreuses entreprises modifient à leur avantage les entrées de Wikipédia, ces méchantes bêtes. Le 17 novembre 2005, un utilisateur anonyme a supprimé 15 paragraphes de l'entrée sur le fournisseur de système de votation électronique Diebold, qui est entreprise accusée d'avoir vendu de l'équipement de piètre qualité, ce qui a créé la controverse en Californie lors des élections de 2004 aux États-Unis. La suppression de ces paragraphes a ensuite été annulée avec la mention qu'un tel geste constitue du vandalisme. Évidemment, puisqu'il s'agit du geste d'un utilisateur anonyme, il n'y avait aucun recours possible. Mais plus maintenant... Hein? Un outil créé par Virgil Griffith peut, dans une certaine mesure, retracer l'auteur des modifications anonymes apportées dans Wikipédia en analysant l'adresse IP saisie lors de la modification et en retraçant l'origine de cette adresse. Dans le cas des grandes entreprises, ces adresses IP sont statiques. Il est donc assez facile de localiser l'utilisateur à qui elles appartiennent. L'article vient de branchez-vous.com. Après l'utilisation de cet outil, il s'est avéré qu'un employé de Diebold lui-même était responsable de l'acte de vandalisme. Les paragraphes supprimés traitent des craintes de l'industrie face à l'intégrité de ses machines à voter et des collectes de fonds pour la campagne électorale du président Bush par le PDG de Diebold. C'est quand même sévère. Cette entreprise est loin d'être la seule à effectuer de telles modifications à son avantage dans Wikipédia. L'outil a permis de découvrir que Walmart aussi a apporté une série de changements mineurs à son entrée. Sans supprimer quoi que ce soit, l'entreprise a ajouté quelques détails le présentant sous un jour plus positif, sans doute pour équilibrer les critiques négatives à son égard sur la page. L'auteur de l'outil de détection a l'intention de passer toute l'encyclopédie au crible et de publier en ligne les résultats de ses recherches. Pour plus d'informations sur Virgil Griffith et sur tout ce qu'il a fait, allez voir, en fait, son site est au wikiscanner.virgil.ga, mais passez par l'article. Des entreprises tentent de faire de Wikipédia un outil promotionnel sur le unechance.com, unechance.com. Maintenant, amusante petite histoire du site infodunet.com. L'histoire amusante de Michelle Madigan, reportrice pour la NBC. Cette demoiselle, voulant bien faire son travail, a voulu réaliser un reportage sur la convention DEF CON, qui regroupe un certain nombre de hackers plus ou moins réputés censés débattre autour de certains sujets sensibles en rapport avec la sécurité informatique. Donc, ce sujet plutôt sérieux, dit l'article, et opaque, poussé la journaliste à agir masquée. Donc, au lieu de demander une accréditation de presse, elle s'est inscrite en tant que participante, lambda, comme tous les hackers présents ce jour-là. Et les organisateurs de la convention lui ont indiqué quand même poliment qu'il ferait mieux de prendre une accréditation, mais Michel n'en a pas démordu. J'essaie de mettre ça dans un temps différent que l'article, c'est bizarre. Elle espère pouvoir tourner quelques images croustillantes avec une caméra à ce moment-là. Donc, le hic, c'est que les organisateurs ont annoncé très vite au micro qu'une journaliste était présente au milieu de la foule et qu'elle comptait filmer les gens en cachette. Repérée immédiatement, elle est poursuivie jusqu'à la sortie, filmée et photographiée par une horde de hackers hilares. Si vous voulez voir le vidéo de comment ça s'est passé, on entend le gars dire, bon... Il est en train de faire son discours et ensuite annonce que c'est... Bonsoir tout le monde, blablabla. On la voit, les gens de DEFCON la poursuivent jusqu'à sa voiture. Et là, on la voit embarquer dans sa voiture jusqu'à temps qu'en fin de compte, elle réussisse à quitter le stationnement. C'est pénible pour elle, mais en même temps, je trouve ça vraiment épais de la gang de DEFCON. Je trouve ça tellement immature. C'est comme ils sont vraiment là et ils disent « Ah, c'est toi ça, c'est la fille de la nuit ici. » En tout cas, je trouve ça un petit peu loser de leur part, il me semble. En tout cas, c'est bon. Quand même, allez voir la vidéo et jugez ça par vous-même. C'est sur lunechance.com. MySpace et Facebook, le débat continue. Mais en tout cas, c'est pas vraiment la nouvelle, mais MySpace est peut-être toujours la place sur Internet pour les Ben, les nouveaux Ben, pour se faire découvrir. Mais Facebook, de plus en plus, réussit à se faire à tracer son chemin sur l'Internet et surtout au Royaume-Uni. Parce que Blake, un Ben qui s'est formé via Facebook, incroyable, a été choisi pour chanter la chanson officielle du English World Cup Rugby Squad. Hein? Le rugby qui est un sport très, très populaire dans plusieurs pays à l'extérieur du Canada et des États-Unis. Et l'article dit, c'est comme la NFL sans casque, sans armure et sans toutes ses pauses commerciales. Enfin bon. Donc, selon le journal The Argus de Brighton, Blake s'est formé environ 4 mois après que les 4 anciens... les quatre personnes ont découvert qu'ils avaient un intérêt partagé sur Facebook et puis ont décidé de faire un groupe de un boy band Blake. Hein. Et là, ils ont attiré l'attention des gens qui s'occupent du rugby là-bas. Hein. Et puis après avoir été vu à une émission de télé matinale britannique. Hein. Et puis là, ben, il a été engagé pour chanter l'hymne Swing Low du England Rugby. C'est le fun. Moi, je trouve ça intéressant. C'est le fun. Parlant de musique sur Internet, LimeWire, responsable du controversé programme. En fait, c'est la compagnie LimeWire LLC, hein, qui est responsable du controversé programme de partage de fichiers LimeWire, va lancer sous peu un nouveau service légal de téléchargement de musique parce que, vous savez, on n'aura jamais assez de services légaux de musique. Hein? Jamais. Fondé en 2000, LimeWire est mieux connu en tant que service de réseautage de particulier à particulier. Version beaucoup plus difficile à dire de P2P ou peer-to-peer. Donc, qui est accusé de permettre à ses utilisateurs de télécharger illégalement des films, des émissions de télé et de la musique. La compagnie est partie défendresse dans une cause où elle doit répondre aux griefs de la Recording Industry Association of America, la RIAA, qui cherche à faire imposer à LimeWire des amendes de 150 000 $ US pour chaque chanson téléchargée illégalement à l'aide de l'outil. LimeWire espère toutefois se faire une réputation de commerce légitime avec son nouveau service. Au départ, la boutique va être un site web autonome, également accessible à partir de liens à l'intérieur du programme de partage de fichiers. Des versions ultérieures vont permettre aux utilisateurs de glaner et d'acheter la musique de leur choix directement à partir du programme LimeWire. L'article vient de canoe.com. Les premiers partenaires à fournir des chansons sur le nouveau canal numérique sont Iris Distribution et Network Productions. Les pistes de musique achetées en ligne sur LimeWire vont être en format MP3 et les utilisateurs vont pouvoir se procurer des chansons et des albums à la carte ou profiter de plans d'abonnement mensuels. Et parlant de place ou peut-être mettre vos MP3, Microsoft, dans les prochaines semaines, va augmenter la capacité de stockage minimale des comptes de courriel de son service Windows Live Hotmail, qui va passer de 2 à 5 gigs. Les internautes qui désirent une capacité de stockage encore plus grande vont pouvoir payer 15 $ US par année pour obtenir un compte dont l'espace libre va être de 10 gigaoctets. C'est ce qu'a expliqué Microsoft. Avec cette annonce, la compagnie Bill Gates tente de surpasser Google, qui offre actuellement une capacité de stockage de 3 gigaoctets. Mais j'ai lu sur les internets, comme ça. J'ai pas mis l'article sur le site, mais certaines personnes, à moins que ce soit un bug, c'est ce qu'on se demandait dans l'article, mais il y a des gens qui commencent à avoir des comptes Gmail de 9 gigs et plus. Donc, ça se pourrait que ça se propage au hasard à travers la toile dans les prochains jours, /semaine. Donc, Google a annoncé la semaine dernière aussi que ses utilisateurs vont pouvoir bientôt payer $20 US par année pour obtenir une capacité de stockage de 6 gigs. Ça, c'était avant qu'on apprenne pour le 9 gigs. Alors que ceux qui lui verseront $500 vont disposer d'une limite de 250 gigs. Par contre, autant Microsoft que Google ne peuvent rivaliser pour le moment avec la capacité de Yahoo, qui est illimité présentement pour ses utilisateurs. Donc, Yahoo illimité, Google à 3 gigs et puis Hotmail, on était rendu à 5 gigs. Dans son annonce de cette semaine, Microsoft a également indiqué que la sécurité de son service de courriel va être améliorée avec, entre autres, un outil qui va permettre aux internautes d'envoyer à la compagnie les détails sur les courriels frauduleux qu'ils reçoivent. Et les informations colligées vont permettre à Microsoft de combattre plus vigoureusement les polyposteurs et les hameçonneurs. L'article est encore une fois de branchez-vous. Voilà qui fait le tour pour le fil informatique de cette semaine. Regardons un petit peu quelques mots-clés qui ont été les plus recherchés pour aujourd'hui, le 16 août 2007, si vous écoutez en direct. Donc, la première position est occupée par First Magnus, qui est une compagnie d'hypothèques. Voilà, une compagnie d'hypothèques en première position. Ça me surprend, il doit y avoir quelque chose autour de ça. Hein. Map of Peru, une map du Pérou en cinquième position. Le lac Titicaca est en quatrième position. C'est très, très étrange. En troisième, l'ouragan Dean. Je vais dans le désordre total. Deuxième, Ben Kingsley. Ensuite, on retrouve tremblement de terre au Pérou en 16e. Elvis Presley est en 70e position. Apparemment, 30e anniversaire. J'ai entendu quelque chose vaguement là-dessus. Lisa Marie Presley en 31e position. On retrouve aussi Cusco, Pérou, 99e. Le Pérou est pas mal. Ica, Pérou en 75e. Ça fait vraiment beaucoup de positions dans le palmarès des mots-clés les plus recherchés sur Google via leur service Google Hot Trends. Maintenant, voici Matt Fuzz et son Game Boy avec Montréal en canicule à la connexion à ses 89.1. C'est son Game Boy avec Montréal en canicule de son hippie extraordinaire. Maintenant, c'est l'heure de la chronique autour du net. Et on commence notre tour du monde de l'Internet d'une couverture à l'autre avec quelques petits documentaires que j'ai trouvés sur YouTube, des documentaires qui ont rapport avec le monde des jeux vidéo. Le premier, ça s'appelle Famicom Dojo. C'est en collaboration avec un site que j'adore qui s'appelle Four Color Rebellion. Donc, pour le premier épisode que j'ai posté sur lunechance.com, il parle de la console originale de Nintendo, hein, Famicom, hein, et l'ajout, le disk drive qui n'est jamais sorti à l'extérieur du Japon, le disk system. Donc, Famicom Dojo, c'est une émission de télé sur Internet coproduite par Poet.tv et par FourColorRebellion.com. Donc, très, très, très intéressant. J'ai passé aussi la deuxième partie qui s'appelle Battery Backup. Donc, il parle du Famicom Disk System qui a révolutionné le monde des consoles, qui est plus tard sorti en tant que NES aux États-Unis et au Canada. Et puis après ça, l'arrivée de la Battery Backup Cartridge, la cartouche avec sauvegarde à pile à l'intérieur. Donc, c'est très, très intéressant. C'est Famicom Dojo. C'est sur YouTube et c'est via lunechance.com. Aussi, un autre documentaire, pour l'instant, en trois parties. Je crois que, je sais pas si c'est terminé. Il en reste peut-être quelques-unes, mais en tout cas. Les trois premières parties d'une série qui s'appelle The Metroid Retrospective. Donc, pour les amateurs de Metroid, la prochaine partie sort très bientôt et le documentaire vous donne une très, très bonne vue d'ensemble sur ce qui s'est passé dans l'histoire de Metroid depuis le début. Toutes les aventures en grand, grand détail. Chaque vidéo est bien long, bien documentée, bien la narration est excellente. En tout cas, ça s'appelle The Metroid Retrospective et j'ai vraiment, vraiment aimé ça. Ça vient de GameTrailers.com. Le lien est sur le site, comme toujours. Ah, les tatous de jeux vidéo, c'est quelque chose que j'aime bien mentionner à chaque fois dans la chronique autour du net, aussi que j'en vois. Donc, certains sont jolis, certains sont vraiment affreux, certains sont juste bof. Celui-là est quand même très bien fait. Je suis pas sûr que je me promènerai avec ça sur le bras. Par contre, c'est un gars qui est un lecteur de Kotaku.com qui s'appelle Sam. Et apparemment, bon, il y a déjà celui de Mario sur le bras gauche. Apparemment, il va se faire faire une... Ben, c'est comme une manche de chandail. Ça part du bas de son épaule jusqu'en bas de son coude. Apparemment, il va faire Zelda sur l'autre côté, sur l'autre bras. Hein? Et éventuellement, il dit qu'il va faire un Metroid sur sa poitrine. Hein? Et il prévoit retourner à son bras Mario plus tard pour faire le poignet jusqu'à son poignet. Ça va être malade. En tout cas, donc, beaucoup de choses à voir sur ce bras-là. Si vous voulez aller voir les photos, passez par l'article qui s'appelle The Nintendo 3/4 Sleeve Tattoo. Un tattoo 3 quarts de manche. C'est sur lunchance.com. Je vais vous le décrire un peu. On voit sur un fond de ciel bleu avec des nuages blancs, Mario en train de sauter, une petite tortue Koopa, un Goomba. Un paquet de personnages comme ça, des bob-hommes. Tout est très très beau, c'est très joli vu d'en avant, d'en arrière, avec une plante piranha, champignons, tout ce que vous voulez voir. Il y a même un Bowser et même le logo de Nintendo. Donc c'est très très très beau à aller voir sur lunchance.com pour voir ça. Ensuite, tiens, petite vidéo qu'on va essayer de regarder ensemble. Vous savez comment j'aime regarder des vidéos à la radio. Vous savez que c'est jamais un très très grand succès parce que souvent le son est pas très bon. Enfin, donc ce qu'on voit ici, c'est une petite vidéo rapide de 30 secondes. On voit des chats. C'est le fun quand on voit des chats se batailler un petit peu comme ça sur le plancher. Jusqu'à la fin, où je vais vous garder la surprise, mais les dernières secondes sont, comment dire, mémorables. Je pense que c'est pas mal le mot, mémorable. Enfin bon. Ça valait vraiment la peine de lever le volume du vidéo pour ça. Vraiment, là, c'était quelque chose. En tout cas, allez voir ça. Petite vidéo drôle. Hein? Un article de downloadsquad.com vous demande... Vous savez, des fois, vous devez appeler votre nom au téléphone, hein, parce que, bon, vous appelez Bart Priblovix et les gens savent pas comment l'appeler, donc vous dites, bon, P comme dans papa, M comme dans maman, etc., etc. Il me semble que ce serait beaucoup plus facile de dire que P, c'est pour porno. Hein? Donc, inspiré par l'alphabet phonétique du film The Big Lebowski, donc un utilisateur du site Groupthink a soumis un défi à la population, c'est de créer un alphabet phonétique basé sur des phénomènes d'Internet. Donc, vous savez, toutes ces choses là, que vos amis et votre famille vous envoient par courriel alors que vous l'avez déjà vu. Ça m'arrive des milliers de fois par mois. Ou peut-être que vous avez peut-être vu trop de remix de Chocolate Rain, dit l'article. J'ai parlé la semaine dernière de Chocolate Rain, je sais pas si vous étiez là. En tout cas, je retrouverai jamais ces minutes de ma vie. Donc, vu que le projet est hébergé par Groupthink, l'alphabet n'est pas écrit dans de la pierre, comme dit l'article. Ça veut dire qu'il pourrait être porté à changer. Mais je vais simplement l'ouvrir ici pour vous montrer. Je vais vous donner un exemple. L pour lolcats. C'est des petites photos de chats avec des phrases bizarres de gens un petit peu dyslexiques. C pour Chocolate Rain. Hein? S pour le Star Wars Kid. E pour Evolution of Dance, qui est le vidéo qui a été le plus vu sur YouTube aux dernières nouvelles. Evolution of Dance, c'est absolument génial. G pour Goatsy. Le site Goatsy, si vous ne l'avez pas vu, cherchez-le sur Internet, G-O-A-T-S-E. C'est pas conseillé d'aller le voir si vous êtes à la job. Juste un petit indice comme ça. C'est pas quelque chose de beau à voir, puis ça me tente même pas de vous le décrire, tellement c'est dégueulasse. Enfin bon, la page ne veut pas s'ouvrir, mais quand même, si vous voulez aller voir The Internet Phenomena Alphabet, c'est vraiment quelque chose de génial, et je pense qu'on pourrait l'utiliser à l'avenir pour dire notre code postal au Québec, au téléphone, aujourd'hui. Photo via Dig.com, les 10 mégaoctets les plus chers de toute l'histoire. En fait, à chaque fois que j'envoie une de ces publicités-là du bon vieux temps, j'ai toujours envie d'en parler, et c'est ce que je fais. Donc, cette publicité-là date de... La date est écrite en tout petit, je crois que ça date de 1980. Je sais pas si je pourrais m'approcher un petit... Si je pouvais. Ce qu'on voit ici, c'est un disque dur de 10 mégaoctets pour 3 495 $. Ça vient du site picturebookmarking.com. Ça dit que c'est un... disque avec cartouche, disque dur, 10 mégaoctets. 4495 pour un nouveau disque 10 mégaoctets de Ampex. Ça répète, il y a plusieurs fois le même texte, notamment. Donc, c'est ça, c'est une petite image que je trouvais cocasse. Ensuite, tiens, le parrain créé en utilisant le script du film au complet. Donc, le film qui, ça dit l'article sur lapopart.com, oui, dit c'est le film qui a fait le plus d'argent de tous les temps. Le parrain est un des plus grands trésors du cinéma réalisé par Francis Ford Coppola et mettant en vedette Marlon Brando et Al Pacino dans les rôles titres. Donc, ce qu'ils ont fait avec Paramount Studios, ils nous offrent une toile du parrain créée en utilisant tout le script de ce film, c'est-à-dire les caractères un après l'autre, au complet, jusqu'en bas, jusqu'à temps qu'il manque de lettres, et là, on voit que la ligne ne se termine pas. C'est extrêmement beau. T'as vraiment l'impression que... On dirait que c'est une photo dans un journal, genre. C'est tellement bien fait. Donc, c'est 24 par 30 pouces, du style poster. Ça a été écrit complètement à la main. Ouais. Tous les mots sont complètement lisibles. Et ça inclut vos répliques préférées facilement identifiables du film. Donc, ça coûte seulement 13,99$ pour le poster 24x30 reproduit. Si vous voulez aller voir ça, ça s'appelle « The Godfather Created Using the Entire Movie Script » sur le unechance.com. Plus tôt dans l'émission, dans le fil technologique, on a parlé de la folie des factures de AT&T pour le iPhone. Certains ont reçu des factures de 300 pages. Je vous conseille sérieusement d'aller voir le vidéo qui s'appelle « The Madness Begins » blablabla sur la section autour du net d'unechance.com. Donc, c'est Justine Ezarik de Justin TV, adorable jeune femme, qui vient de recevoir sa première facture de iPhone, 300 pages. Voyez-la en train de développer son paquet dans la vidéo que j'ai passée sur unechance.com. Vous allez vouloir le regarder plusieurs fois. Suggestion comme ça, faites-le. Donc, c'est reçu dans une boîte, elle décrit la boîte, elle la montre de tous les côtés. Et après ça, le bout intéressant s'en vient, je crois que ça va être très bientôt. Et voilà. Elle a utilisé dans son vidéo la toune de la pub de l'iPhone. Tiens. Donc, la fille a un iPhone et utilise la toune. Vous n'avez pas le choix d'aller voir ça, je pense. J'aimerais avoir le titre de cette pièce pour aller me la télécharger. Je l'adore, cette pièce. Donc voilà, si vous allez voir la vidéo, passez par lunechance.com. C'est vraiment la place où aller pour passer un bel après-midi, comme toujours. Hein? C'est juste ça. Yeah. Dans la deuxième heure à la connexion, restez là, on parle de cybercrime avec les courriels de Johnny Hallyday piratés à la connexion. C'est fou, 89.1 FM. Bonjour, c'est la deuxième heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. Je m'appelle toujours Mathieu Plante, toujours seul avec vous comme ça. Il reste encore une bonne heure de choses à faire. Tantôt, ça va être la chronique cybercrime. On va parler entre autres de voyeurisme. On va parler de Johnny Hallyday. On va parler d'un voleur arrêté grâce à une vidéo sur Internet et de quelqu'un qui a été enlevé pour avoir cherché l'amour sur Internet. Je vous dis, c'est une place dangereuse, ça. Faites attention, les enfants. L'album Wreck la discothèque, maintenant c'est la chronique Cybercrime. On commence cette semaine par deux blogueurs néerlandais qui sont poursuivis pour voyeurisme selon l'agence de presse Reuters dans une dépêche publiée mars dernier. Les deux blogueurs ont filmé les dessous de plusieurs femmes qui portaient la jupe dans une cage d'escalier du parc de stationnement de centre commercial de la ville de Herugowaard en Hollande septentrionale. C'est le mot Hollande qui m'agace là-dedans. Les deux hommes justifient leur geste en disant qu'ils voulaient dénoncer, preuve à l'appui, que les marches transparentes de la cage d'escalier permettaient aux voyeurs de regarder en toute liberté les dessous des femmes en jupe, sans même qu'elles ne le sachent. Selon eux, le conseil municipal de Herugowaard et les dirigeants du centre commercial ne font rien pour interdire aux personnes d'accéder à la cage d'escalier. Ils voulaient dénoncer sur leur blog l'inaction dans ce dossier. Ils soutiennent également que la plupart des personnes filmées étaient parfaitement au courant de leur présence. Il semble par contre qu'une femme ne soit pas du même avis puisque elle a porté plainte contre les deux hommes à la police néerlandaise. Les deux blogueurs devront donc comparaître devant la cour de la ville de Alkmaar en octobre et vont faire face à une peine maximale de 2 mois d'emprisonnement pour leur crime. Un informaticien a espionné pendant de nombreuses années les chanteurs français Johnny Hallyday et Michel Sardou en consultant leur courriel, selon le quotidien populaire Le Parisien de samedi. L'informaticien de 45 ans, dont l'identité n'a pas été révélée, a installé en 2000 le système informatique, a installé en l'an 2000 le système informatique de Michel Sardou, qui a ensuite recommandé ses services à son bon ami Johnny Hallyday. L'homme en a profité pour glisser un espiogiciel dans les ordinateurs des deux hommes afin de pouvoir consulter les courriels qu'ils envoyaient et qu'ils recevaient. Le subterfuge a duré pendant 5 ans, soit entre 2001 et 2006. L'informaticien s'est fait pincer en effectuant une fausse manœuvre alors que Michel Sardou envoyait un courriel. Le chanteur de 60 ans a porté plainte aux gendarmes qui ont ouvert une enquête. Le mois passé, ils ont également découvert que les courriels de Johnny Hallyday étaient lus par le suspect. Le Parisien indique que les motifs de l'informaticien ne sont pas clairs. Les policiers ne savent pas encore s'ils lisaient les courriels des deux chanteurs par simple curiosité, pour vendre des informations aux médias mondains ou pour du chantage. Pendant 5 ans, ce serait une longue période pour faire du chantage, mais bon. Le suspect va comparaître devant un juge d'instruction à Paris le mois prochain. L'article via l'agence France Presse et Le Parisien via branchezvous.com. Un voleur néo-zélandais vient d'être arrêté grâce à une vidéo diffusée sur les sites Internet YouTube et Google Vidéo, révèle l'agence de presse américaine Associated Press. L'homme de 50 ans s'est fait filmer à son insu par une caméra de surveillance dans un magasin d'informatique de la petite ville de Grimmauld dans l'ouest du pays. Dans la vidéo diffusée sur YouTube et Google Vidéo par les propriétaires de la boutique, on le voit en train de voler un ordinateur portable HP et le glisser dans son manteau avant de prendre la fuite. Il nous a dit qu'il attendait ses enfants, a déclaré le gérant de IT at Work au New Zealand Herald. Il a glissé l'ordinateur dans son manteau alors que nous étions à l'arrière de la boutique. Sur Google Vidéo seulement, la vidéo a attiré plus de 630 000 visiteurs. Un de ses internautes a reconnu le voleur et a appelé les policiers qui ont pu arrêter Dawson Anthony Bliss. Bliss a plaidé coupable de vol à l'étalage et vient d'être condamné par un juge à retourner l'ordinateur, payer une amende de 2 000 $ néo-zélandais et ça veut dire 1 500 $ canadiens environ, et de verser un montant équivalent à IT at Work. Donc, petite leçon pour tous les magasins, mettez vos vidéos de surveillance en ligne quand vous trouvez quelqu'un qui fait quelque chose comme ça. Et snap! Ouais. Un fermier australien de 56 ans a bien failli trouver la mort après avoir tenté de trouver l'amour sur Internet. Il y a près de 3 semaines, Des Gregor a pris l'avion pour le Mali en Afrique afin de rencontrer en personne Natasha, qu'il avait connue récemment sur le web et qui lui promettait une dot de 100 000 $ américains en or s'il se mariait. Une fois sur les lieux, deux hommes l'ont plutôt enlevé pour l'enfermer pendant une douzaine de jours dans un sombre appartement de Bamako, la capitale du pays. Ses ravisseurs ont ensuite menacé de le tuer si lui ou sa famille refusait de lui verser une rançon du même montant que la prétendue dot, soit de 100 000 $. Fort heureusement pour le fermier, il a été sauvé par des policiers australiens et maliens qui ont convaincu ses ravisseurs de le laisser entrer dans l'ambassade canadienne située à Bamako afin de venir chercher leur rançon. Les bandits ont par contre réussi à s'enfuir avec les 572 $ américains de Gregor qu'il avait en poche. En entrevue avec les médias australiens, le fermier et sa famille ont conseillé aux internautes d'être très prudents avec leur fréquentation sur le web. Et je cite, « On peut voir ça dans les films, le lire dans les livres, mais c'est seulement quand ça nous arrive qu'on y croit vraiment. » L'article vient de Reuters avec l'agence France Presse, Associated Press et branchezvous.com. Voilà qui fait le tour pour la chronique cybercrime. Regardons, parlant pas vraiment de crime, mais de légalité, les artistes les plus populaires sur mp3.com en ce moment même. En 5e, l'artiste hip-hop Eminem. En 4e, les Pussycat Dolls. En 3e, Linkin Park. En 2e, c'est Rihanna. Et en 1ère, c'est A.R. Rahman. Maintenant, regardons les jeux les plus voulus, les plus désirés, les mieux cotés, qu'on pourrait dire, sur GameSpot.com. En cinquième, World of Warcraft, The Burning Crusade de Blizzard Entertainment sur PC. La cote est de 9.2. En quatrième, c'est God of War 2 de SEA sur PlayStation 2. C'est un jeu d'action qui score 9.2. Score, c'est un anglicisme, même. Qui se pointe, je sais pas, j'ai aucune idée. En troisième, Forza Motorsport 2 de Microsoft Game Studios sur Xbox 360, ça vaut 9.2. En deuxième, c'est The Elder Scrolls 4 Oblivion de Bethesda Software sur PS3, ça vaut 9.5. Et le jeu le mieux coté sur GameSpot, c'est Gears of War de Microsoft sur Xbox 360, avec une cote de 9.6. Vous écoutez La Connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. À CFO 89 FM, la radio la plus impressionnante à Trois-Rivières. Down to Mexico to Tijuana. Tijuana, here I go. I beat my drums down to Mexico to Tijuana. Here we go. Beat my drums down to Mexico to Tijuana. Tijuana, here we go. I beat my drums down to Mexico. The border patrol ain't got no control. 75 the highway that I beat alone. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 the highway that I beat alone. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 the highway that I beat alone. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 the highway that I beat alone. A 5-5-5-5-5-5-5. We're back home. We lead the bones. We play the roads. We walk like the weather. We feet on the feather. We drum down the road somehow. It's the highway that I beat alone. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 it's the highway that I beat alone. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 it's the highway that I beat alone. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 it's the highway that I beat alone. 5-5-5-5-5-5-5. Beat my drums down to Mexico to Tijuana. Tijuana, here I go. Beat my drums down to Mexico to Tijuana. Here we go. Beat my drums down to Mexico to Tijuana. Tijuana, here I go. Beat my drums down to Mexico. Cause the border patrol ain't got no control. 75 is the highway that I beat alone. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat alone. 5-5-5-5-5-5-5. We pack our horns. We lead the bones. We play the roads. We walk like the weather. We feet on the feather. We drum down the road somehow. Every drum, we'll beat and roll with every drum. We'll beat and roll with every drum. We'll beat and roll with every drum. We'll beat and roll with every drum. We'll beat and roll with every drum. We'll beat and roll with every drum. 75 is the highway that I beat along. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat along. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat along. 5 beats to the marching band, the rhythm is strong. 75 is the highway that I beat along. 5-5-5-5-5-5. We play the roads. We walk like the weather. We feet on the feather. We drum down the road somehow. La formation de National Parks avec Border Patrol, ici à La Connexion sur CFO 89 FM, votre radio campus à Trois-Rivières. Hein? Et sur cette belle ambiance de bois, comme toujours, j'accueille notre ami Foam. Wouhou, bonjour. Foam pour sa critique PlayStation 2. Comment ça va cette semaine, Mathieu? Mais dis donc, il y a une chose à dire. Ah! J'ai pris par surprise. T'as l'air que le son était fort. Là, tu peux me demander comment ça va. Comment ça va, Mathieu? Ça va bien, et toi? Ça va très bien, merci. Hey, tu viens de parler d'un jeu qui n'est pas encore sorti. Ça m'intéresse, j'aime ça. C'est un jeu futuriste, là. C'est 5 minutes dans le futur. Non, du tout. Non? Ben écoute, je te parle du jeu Jackass qui va sortir, dans le fond, sur PlayStation 2, PSP et Nintendo DS. C'est ça, c'est dans le fond. Ça va sortir le 24 septembre prochain. Publié sur le Red Mill Entertainment, compagnie Red Mill, qui met d'ailleurs en vedette quelques noms connus de Jackass. Donc Johnny Knoxville, Steve-O, Ryan Dunn, Jason the Weeman, le petit, le nain, Preston Lassie, Bam. Ah, Bam! Bam, qui ne connaît pas Bam? Ben oui. Donc écoute, j'ai hâte d'essayer ça. C'est un jeu en fond qui reproduit les Jackass qu'on a vus dans les films ou que ce soit dans les émissions aussi. Plusieurs mini-jeux si on veut. Je sais pas trop comment ça va être développé. Les premiers extraits en fond ont sorti en 2006 au... Ou E3. E3, effectivement. Derrière des portes closes. C'est un jeu très étendu. J'imagine, moi j'ai hâte de voir ce que ça va donner, jouer à ça. Parce que dans le fond, il va falloir descendre les côtes dans une poubelle, frapper nos amis. Mm-hmm. Toujours dans le concept de Jackass. Ouais, c'est ça, descendre les côtes aussi sur des frigidaires, lancer des trucs dans le fond, faire mal aux autres. Des bonnes vieilles affaires saines et pour la famille, mettons. C'est exact, exact. C'est classé mature, par exemple. 17 ans et plus. Hein. Ouais. Classé mature. Donc, écoute, j'ai pas vraiment de détails. J'ai pas assez le jeu. Évidemment, parce qu'il est pas encore sorti. Mais on s'attend à ce que tu l'essayes maintenant que t'en as parlé. Oh, t'inquiète pas. Il y a 40 mini-jeux. C'est ça, sur des aspects dans le fond de la série du film. Weeman a son propre mini-jeu dans le jeu vidéo. OK. Vous pouvez d'ailleurs visiter, si vous voulez plus d'informations, le www.jackassthegame.com. Mm-hmm. Ça a l'air bon. Ouais, vous allez avoir des previews. Sur le site, il y a des previews. Les graphiques ont l'air vraiment beaux. OK. Ça a l'air... mais tu sais, je sais pas si ça va être un jeu où on va s'amuser. C'est peut-être plus un jeu à louer, c'est ce qu'on va voir cet automne. Ouais, donc, voilà pour Jackass The Game. Pour tous les amateurs, dans le fond, qui des Jackass, qui, dans le fond, ne sentiront aucune douleur cette fois. Ouais. J'espère, en tout cas, à moins qu'ils essaient de reproduire ça dans la vraie vie, n'est-ce pas? Non, Mathieu, non. Non. Le jeu s'appelle Jackass The Game, édité par Red Mile Entertainment, développé par CD Interactive dans le genre action pour deux joueurs. La cote est mature, 17 ans et plus. Ça sort le 24 septembre 2007. On aura plus de détails une fois le jeu sorti. Jackass The Game va être disponible sur PlayStation 2, sur PSP et sur Nintendo DS. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Fond. Plaisir. À venir dans quelques minutes, on va parler tous ensemble de Google dans notre chronique Google Watch. Je l'ai pas volé. J'ai tué le chasseur avant qu'il shoote. Et l'ours m'a consolé. Tu es doux et juste un peu farouche. Mais je sais que je t'apprivoiserai. Tu as mordu dans mon cœur à pleine bouche. Et t'y es installé. Les années se suivent et nous rassemblent. Il y a toujours plus à partager. Dans la tanière qui abrite nos confidences, nous on a hiberné. Puis un jour c'est l'été, c'est dimanche, et les framboises poussent par milliers. J'ai taché de fruits rouges ma robe blanche, et je vais t'épouser. Les yeux fermés, mains dans la patte, on avance. Dans l'allée d'un champ de blé shooté. Un doux mélange de romance et de démence. Quand le ferme a tiré. Tricot Machine et l'ours de leur album éponyme, c'est sur le palmarès francophone de C'est fou cette semaine maintenant. Voici notre bulletin Google, c'est Google Watch. Musique qui a absolument rien à voir d'ailleurs. Musique accrochante par exemple? Ouais, c'est la chanson thème de Kids in the Hall, émission d'improvisation. Pas d'improvisation, mais de comédie. On parle de Google dans notre Google Watch comme toujours. On commence par le propriétaire de YouTube depuis près d'un an. Donc Google poursuit la réorganisation de son pôle vidéo, sa branche vidéo. Après avoir repositionné son propre service Google Vidéo en véritable moteur de recherche, le groupe a discrètement annoncé en fait semaine dernière sur son site que c'était la fin de leur service d'achat et de vente de vidéos. Donc, à son lancement, les analystes voyaient en lui une possible alternative à iTunes, d'autant que n'importe quel internaute pouvait publier son propre fichier vidéo en choisissant le modèle, soit téléchargement, lecture, abonnement, achat ponctuel, et en définissant le prix souhaité. Donc, dans un courrier adressé à ses clients, Google a précisé, et là, je trouve que c'est vraiment pas correct de leur part, que le service va fermer, il a fermé le 15 août dernier, et qu'en compensation, ils vont se voir offrir un crédit de 5$ sur Google Checkout pour faire des achats. Et là, en plus, la trappe là-dedans, c'est que les fichiers qu'ils ont achetés ne seront plus lisibles à partir du 15 août. Donc, mettons, tu as acheté un paquet de vidéos sur Google Vidéo, ouais, ils ne marchent juste plus maintenant. Crime, c'est bizarre. Ils donnent, tiens, des peanuts. Ouais. Et tu vois, c'est des peanuts? 5$. C'est ridicule. Alors où Google lance ses services d'hébergement premium pour Gmail et Picasso, on en parlait tantôt, cette fermeture est donc relativement surprenante, à moins que le groupe n'ait décidé de lancer un nouveau magasin, peut-être, sous la marque de YouTube. La firme explique que le modèle de commandite, de sponsoring par la publicité, est à son sens plus vendeur que celui de la facturation directe des internautes, ce qui est vrai, mais il me semble qu'il aurait pu trouver un moyen de faire que les vidéos fonctionnent encore. Ben oui. T'enlèves pas un droit acquis. Non, exactement, c'est ça. Tu les as achetés, ils sont à toi, mais dans le sens, c'est comme si c'était de la location, en fin de compte. C'est un petit peu croche de leur part. L'entreprise Google, on les connaît, on les aime. Universal, tu connais Universal? Oui. Est décidément bel et bien fâché avec iTunes, alors que la Major avait fait savoir son désir de ne pas renouveler son contrat avec la plateforme de téléchargement d'Apple. Et après avoir annoncé l'arrivée de musique sans DRM, on en parlait tantôt, Universal s'allie avec Google pour préparer le lancement de G-Box, un service de téléchargement qui va concurrencer le leader iTunes de Apple. Cette initiative constituera la première insertion franche de Google dans le monde du téléchargement de musique en ligne, même si la marque n'est pas directement impliquée dans la création de ce service. Donc, c'est pas Google qui va s'occuper de ça, c'est pas sous la bannière de Google. Donc, c'est Universal qui va gérer la plateforme G-Box, se servant des pages de Google pour diffuser des espaces publicitaires pendant que le moteur conseillera la plateforme à ses internautes. Les musiques disponibles sur le service vont être, comme Universal l'a déjà laissé entendre, vendues sans DRM, bien que le prix n'ait pas été divulgué. Donc, ça fait un petit peu suite à la nouvelle de tantôt, même que c'est pas mal exactement la suite de ce qu'on disait tout à l'heure. Ouais. Est-ce que vous voulez économiser 70$? Tout le monde répondrait oui. Oui. Allez, explique-nous comment... Comment ça? Comment on peut économiser 70$? La suite d'application Star Office de la compagnie Sun normalement coûterait 70$. C'est une alternative à Office, mais Google vient de l'ajouter à son Google Pack, sa suite de logiciels gratuite. Donc, ce qui rend perplexe, parce que OpenOffice.org est absolument gratuit et c'est construit sur la même source que Star Office. En fait, c'est construit sur le code source de Star Office. La différence entre les deux, c'est que Star Office inclut quelques graphiques, police et templates propriétaires. Supplémentaires. Supplémentaires, exactement. Donc, c'est bizarre qu'ils aient pas choisi OpenOffice. Donc, si vous voulez aller télécharger le Google Pack, passez par le pack.google.com et Star Office va être gratuit à l'intérieur de ça. Ou unechance.com, non? Unechance.com, allez voir l'article sur unechance.com. Très, très bonne, bonne idée. Ouais, très, très bonne. Le site est... le site unechance.com, Oui, oui, oui. Est bon. Bon? Est bon pour moi, est bon pour vous aussi. C'est bon pour la santé, c'est la rumeur qui court qui dit ça. Ouais. Allez visiter ça. Laissez des commentaires, peut-être? Peut-être, ouais, laissez des commentaires en masse. Là. Allez-y à profusion, si ça vous tente. Ouais. Je les lirai et j'y répondrai en onde. Les gens savent pas ça, mais si vous envoyez des commentaires à la connexion, on les lit en onde, c'est assuré. Hein. Si ça vous intéresse, si vous avez des commentaires, des suggestions, des commentaires négatifs aussi? Commentaires négatifs, c'est sûr que je les lis. Génial. Si vous avez un faux nom, parce que si tu sais ton nom, je vais te dire que c'est toi. Donc, allez voir lunechance.com. Il y a une section Contactez-nous en haut dans le menu. Et sinon, vous pouvez laisser des commentaires sur les épisodes individuels. Par exemple, si vous dites « Hey, il est où le podcast? Il est où le podcast? Ça fait deux jours, l'émission. Il est où le podcast? » Je fais mon possible avec ça. Voilà qui fait le tour pour les nouvelles de Google. Regardons un petit peu les jeux qui ont été les plus vendus au Japon cette semaine. En fait, c'est les consoles les plus vendues et c'était la semaine dernière, donc je sais pas pourquoi j'ai dit cette semaine. En cinquième position, la PlayStation 2. En quatrième, la PlayStation 3. En troisième, la PSP. Donc Sony se gruge le top 5 à 3. Et le reste, c'est Nintendo. En deuxième, c'est la Wii avec presque 61 500 et copies, ventes. Et en première position, c'est la Nintendo DS Lite avec presque 136 000. Hein? Xbox 360 est en sixième position avec 3000 copies. How are things on the West Coast? Comment vont les choses sur la côte ouest? Demi-heure de la connexion, l'émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est Fou 89 FM, votre radio campus à Trois-Rivières, la radio la plus impressionnante au monde. Entier. Entier. Le monde entier. Je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, François-Olivier Marchand, et non, fond. T'aimes pas ça? Je trouve ça bon, moi. C'est quand même profond, c'est très, très recherché. Ça a pris beaucoup d'heures de recherche avec des stagiaires. On a payé nos recherchistes pour trouver le meilleur surnom. Puis là, tu me viens avec ça. Mais pas fond. François-Olivier. Il marche. François-Olivier, au complet. Oh non, c'est ça. Ouais. Écoute, je vais t'appeler sinon Plante. Non, Plante, c'est mon nom de famille. Fond, c'est tes initiales. Oh, MP. MP de sans pression. MP! MP! C'est comme un premier ministre, ça me donne un air de notoriété. T'sais? Bon. Et puis, qu'est-ce que tu dis? Qu'on s'en va écouter la règle du jeu de plastique. C'est bon. Ça me fait. C'est cool. Plasticine avec la règle du jeu sur le palmarès francophone de C'est fou. Et maintenant, c'est l'heure des deux minutes les plus rapides de l'émission. C'est bientôt sur vos consoles. On commence par la franchise Guitar Hero qui se verra bien portée sur Nintendo DS avec le troisième opus, un périphérique permettant de jouer au jeu sur Nintendo DS et l'une des options que regarde Red Octane. Quelques nouveautés arrivent sur Xbox Live Arcade cette semaine. Echo the Dolphin, basé sur le classique de Sega, mais qui va comporter tout de même plusieurs améliorations, dont une meilleure ambiance visuelle et un son redéfini. Exec 2, conçu par Alexis Pajitnov, offrira le même style que son prédécesseur, mais avec de nouveaux défis visibles à travers de nouvelles pièces, de nouvelles formations et de nouveaux modes. En plus d'une portion solo, vous pourrez jouer contre un autre joueur sur la même console ou sur le Xbox Live. Du côté de la console virtuelle de Nintendo, la Nintendo Wii, vous retrouverez le classique Metroid afin de débuter une campagne de promotion en vue de la sortie du jeu Metroid Prime 3 Corruption. Autre nouveauté, le jeu de rôle Shining in the Darkness et le jeu d'aventure Crater Maze. Le magazine Game Informer lève le voile sur Borderlands, le prochain projet de Gearbox Software. Le studio travaille depuis quelques temps sur ce jeu de tir futuriste qui inclura aussi des éléments de jeu de rôle. Il permettra de jouer à 4 personnes en coopératif et des versions Xbox 360, PlayStation 3 et PC sont dans les plans. Sierra Entertainment a annoncé qu'un jeu basé sur le film Alien vs Predator était en développement sur la PlayStation Portable. C'est Rebellion, les créateurs du projet du premier Alien sur PC, qui s'occupe du projet. Le film est prévu pour le 25 décembre. Il faut donc s'attendre à ce que le jeu sorte pendant le même mois. Aliens vs Predator sera un jeu d'action et d'aventure à la troisième personne. C'est pas si pire, en fait. La musique est bonne. J'aime ça. Merci, j'aime bien le concept aussi. Moins de nouvelles que d'habitude cette semaine. Il n'y a pas grand-chose qui s'en vienne de non. Si intéressant que ça, autre non. Que Jackass, puis tout ça. Ouais. Mais bon, c'est pas grave. Voilà qui fait le tour donc de la chronique la plus rapide de l'émission. Si vous voulez aller voir les articles complets, allez voir lunechance.com. Maintenant, retournons à nos moutons. Hein, des petits moutons tout gentils, tout beaux. On va parler, c'est un petit peu en continuité, des nouveautés qui sont en magasin cette semaine avec un commentaire de François, Olivier et moi. Oui. François, Olivier. Pas François et Olivier. Moi. Ouais. Juste et, deux personnes. Et non, pas Fombe. Pas Fombe, non. J'ai appris ma leçon. Oui, c'est mieux. Je le ferai plus jamais. Ouais. Je vais t'appeler... Fais attention. Je vais t'appeler Mousse. Mousse. Fombe. Mousse isolante. Mousse isolante. Mousse, c'est un beau nom. Les rares amateurs de football américain, dit rgamers.com, vont être ravis avec la sortie de Madden NFL 08. C'est la grosse sortie de la semaine, mais commençons donc par la Nintendo DS. Tiens. Heroes of Mana. Non plus. Luminous Arc, ATV Monster Truck Mayhem, High School Musical, Making the Cut, basé sur le film, là. Avec des gens qui dansent, là, puis c'est comme une genre de comédie musicale pour les années 2000, genre. Wow. Operation Vietnam, et puis Rune Factory, Fantasy Harvest Moon. Sur multiplateforme, on retrouve Madden NFL 08, comme je le disais tantôt, avec comme console prévue DS, GameCube, Mac, PC, PS2, PS3, PSP, Xbox, Xbox 360 et Nintendo Wii. T'as la boîte, hein, toute la kit. Ça en fait des choses. Ça doit être un succès, par exemple. Si on se fait ici, ici c'est plus le hockey, là, un achat de 2008. Là. Mm-hmm. Mais aux États-Unis, là, Madden, là... c'est la grosse affaire. Ouais, quand même. Puis c'est pas plat de jouer à ça sur une console. Ben moi, les jeux de sport en tant que tel, je comprends pas ça, mais... Mais stratégie, là, ouais. Tu fais ton jeu, tu fais une pause. Hein. Non, j'aime ça, moi. Okay. Sur PC, tiens, 1914 Shells of Fury, Seven Wonders of the Ancient World 2, Mystery Solitaire, Secret Island, Book of Mysteries, et puis Prank TV. Prank TV? Prank TV, ça m'a l'air intéressant, ça. J'aimerais ça aller me renseigner sur Prank TV. Sur PlayStation 2, Metropolis Mania 2, Shin Megami Tensei, Persona 3. Hein, j'adore toujours dire les jeux qui sont de la série Shin Megami Tensei. C'est toujours très bien. Et puis Fatal Fury Battle Archives Volume 1. Sur PSP, on retrouve Dungeons & Dragons Tactics. Et sur la Nintendo Wii, c'est Billy the Wizard Rocket Broomstick Racing de la compagnie Conspiracy Entertainment. Tout un nom? Tout un nom et tout un jeu, j'en suis certain. J'en ai aucune idée, mais c'est pas grave. voilà qui fait le tour pour ça. Moi, j'ai envie de prendre une autre petite pause. On va aller se gâter avec une pièce de Galaxy 500 de leur album qui se nomme Le Temps au Point Mort. Voici à l'instant même la pièce Big Bang. Big Bang. C'est Fou 89.1 FM, votre radio. Campus. À toi, Rivière. Et voilà, c'est à peu près ça. C'est la pièce Big Bang de Galaxy 500. Il y avait leur album Le Temps au point mort maintenant. Parlons de différents trucs. Il nous reste plein de choses à faire comme toujours et si peu de temps. Donc, avec mon ami François-Olivier Marchand. Toujours présent. Toujours présent. Je m'appelle Mathieu Plante. Vous écoutez La Connexion. C'est une émission qui parle de technologie, d'informatique et de jeux vidéo. C'est Fou 89 FM les jeudis à partir de midi, en reprise les samedis et les mardis aussi à midi. Si ça vous intéresse de nous écouter, je vous dirais, faites-le don. Faites-le don. Surtout la dernière heure où ce que on sent que c'est beaucoup plus meilleur. Si tu veux croire ça, c'est pour toi. Là, je suis en train de chercher comme ça parce que j'ai quelque chose à faire. Ça me tente vraiment de faire ça. J'ai oublié de le faire la semaine dernière. Donc, je vais trouver rapidement. Je vais trouver ça. Je suis sûr que dans quelques secondes, je vais réussir à trouver ça. Trouve-moi ça, mon ami. Okay. C'est trouvé. Je l'enregistre. Et tantôt, on va faire quelque chose avec ça. Ça va être génial. Si tu connais bien les jeux vidéo, est-ce que tu es un amateur de jeux vidéo? Ben, j'ai déjà joué. Je jouais plus en étant plus jeune un peu. J'ai comme pris ma retraite, mais je m'y remets tranquillement. Ben, c'est ma foi fascinant. OK, tiens, on va faire autre chose pendant que ça se télécharge et qu'on apprivoise ça avec le temps. Je vais te demander quelques questions sur Internet. Ça s'appelle le quiz Internet, vous connaissez. Comment est né Internet? Que signifie HTTP? Comment s'appelait l'ancêtre d'Internet Explorer et de Firefox? Testez vos connaissances sur le réseau des réseaux avec notre quiz de la semaine. Ça vient de 01net.com. Voici la première question. Internet est un réseau informatique mondial, mais d'où vient-il au juste? Est-ce que c'est A, le successeur d'ARPANET, un projet lancé à la fin des années 60 aux États-Unis? Est-ce B, une évolution du Minitel? Ou est-ce C, un média inventé par Al Gore quand il était vice-président des États-Unis? En tout cas, je sais que ça vient de l'armée. Donc, je dirais B, là, ça ressemblait à militaire. Là. Une évolution du Minitel, parce que Minitel, il y a le même nombre de syllabes que militaire. Ça, c'est une très bonne façon de voir les choses. Jusqu'à maintenant, j'admire. Est-ce que c'est bon? Je sais pas. Alors, on va voir le quiz se continue. Vous êtes connecté à Internet depuis peu et votre premier email vient d'arriver dans votre boîte aux lettres électroniques. C'est un ami qui vous souhaite la bienvenue dans la société de l'information. Est-ce que A, vous trouvez ça plutôt bizarre car vous n'avez pas acheté d'action de cette société? B, vous allez enfin pouvoir organiser votre vie sur Internet? Ou C, vanité, tout n'est que vanité. D'un seul coup, vous voilà prête à signer au conseil d'administration de l'Internet. Ah! Ah, donc vous trouvez ça bizarre parce que vous n'avez pas acheté d'action là-dedans. Exact. Là, jusqu'à maintenant, ça a un petit peu plus de sens. On va voir si ça continue dans le même... Ce qui est le fun avec toi, Mathieu, je me sens tout le temps super intelligent. Ben, c'est ça qui est bon avec moi parce que j'encourage les gens tels qu'ils sont. Je vais donner la réponse tout de suite. On va y aller à la place de cumuler les réponses. Les réponses sont données par chaque question. Donc, la réponse à la question de tout à l'heure, c'était le successeur d'ARPANET. Donc, Internet, c'est un réseau mondial et non exclusivement franco-français comme le Minitel. Donc, tu avais tort là-dessus. En tout cas, je savais que ça venait de l'armée. Tu savais que c'était au moins soit A, soit B, soit C. Ouais, je pense. La réponse à la deuxième question. Vous allez enfin pouvoir organiser votre vie sur Internet parce que pour les économistes, la société de l'information représente un monde où l'utilisation des technologies de l'information et la règle, elle s'inscrit dans la continuité de la société industrielle. Donc, 0 en 2? C'est ça. Prochaine question. Aujourd'hui, le monde des navigateurs web est dominé par Firefox et Internet Explorer, mais ce ne fut pas toujours le cas. Comment s'appelait le premier navigateur Netscape. Grand public? Netscape. OK. Est-ce que c'est A, NCSA Mosaic? Est-ce que c'est B, Conqueror? Ou est-ce que c'est C, Netscape Navigator? T'as répondu Netscape Navigator? C'est... Mais avant même que la page se charge, je pense que je vais devoir te dire que tu as tort. La réponse est NCSA Mosaic, un navigateur qui affichait des pages web sur fond gris avec des liens bleus, qui a été développé en partie par... Là, tu vas voir le lien avec ta réponse. Ça a été développé en partie par Mark Andreessen, qui est le futur fondateur de Netscape Communications. Donc, ça a des racines, mais Netscape n'était pas le premier. Qui a inventé le World Wide Web, le WWW ou la toile d'araignée mondiale? Est-ce A, Bill Gates et Paul Allen? B, Gerald Levin et Steve Case? Ou C, Tim Berners-Lee et Robert Caio? C. D'accord. Facilement. T'as confiance en toi? On peut pas dire que tu manques d'autres gens. t'as raison, c'est bien Tim Berners-Lee et Robert Caio qui étaient... Je te surprends. C'est Sir Tim Berners-Lee qui est aujourd'hui à la tête du World Wide Web Consortium, le W3C. En 1989, alors qu'il travaille au Centre européen de recherche nucléaire, il a eu l'idée, aidé par l'ingénieur Robert Caio, de réunir deux technologies fondatrices du 3W, l'Internet et le lien hypertexte. C'est un peu facile, celle-là. C'est ça. Pourquoi? Ben, tu l'avais entendu dire dans un documentaire quelconque. Attends, ouais. J'écoute toujours Canal D. Ah! Parmi les sigles suivants, lequel ne correspond pas à un protocole Internet? Est-ce A, le SSX, B, l'IRC ou C, le HTTP? Je dirais A. Ben, je pense même sans regarder que tu risques d'avoir raison. Voilà, c'est bien ça. HTTP, c'est l'abréviation du Hypertext Transfer Protocol, qui est le protocole de communication du web. De son côté, l'IRC, c'est l'Internet Relay Chat, qui est l'ancêtre de Windows Messenger, AIM et les autres. C'est un logiciel de chat. MIRC, ça et vient voilà. Un peu de ça. Merp. Merp. Et le protocole SSX, quant à lui, est une pure invention de journaliste. SSX Tricky était un jeu vidéo aussi, si je me rappelle. C'est vrai. La bulle Internet, la fameuse dot-com bubble en anglais, c'est quoi? A, un mouvement spéculatif qui a connu son paroxysme avec la crise boursière des valeurs technologiques à Wall Street en mars 2000. B, un embouteillage chronique qui retarde l'acheminement des courriels. Ou C, un rite initiatique connu seulement des techno-gourous du web 2.0. La dot-com bubble, c'est quoi? Dot-com bubble. Wall Street, embouteillage chronique ou web 2.0? C. Web 2.0. Ça laisse à désirer un peu. Non, c'est un mouvement spéculatif qui a connu son paroxysme avec la crise boursière des valeurs technologiques à Wall Street en mars 2000. Les lourds investissements injectés dans les dot-com, les .com, ces sociétés supposées à haute valeur technologique, mais souvent dépourvues de tout modèle économique, ont conduit à l'explosion des cours de bourse du secteur. Mais quand les investisseurs se sont aperçus qu'ils n'avaient acheté que de l'air, les marchés se sont effondrés, ce qui a entraîné une vague de faillites retentissantes et la ruine de centaines de milliers de petits actionnaires. Selon certains observateurs, la légèreté des modèles économiques de certaines startups dites Web 2.0 pourrait, dans les prochains mois, susciter l'éclatement de nouvelles bulles Internet, les mêmes causes produisant souvent les mêmes effets. Prochaine question, François-Olivier. Es-tu prêt? Allez, allez. Qu'est-ce qu'un moteur de recherche? Est-ce A, un lointain cousin du moteur à réaction? Facile. B, un service de recherche de contenu sur Internet? Ou C, l'une des grandes réalisations du sommet mondial des Nations Unies sur la société de l'information? Je dirais B. B, ben, je pense que ça. C'est pas B pour bravo. B pour pas ouais. Mal facile. Pas mal. Ouais, un moteur de recherche est un service de recherche de contenu, des pages web, des fichiers audio et vidéo sur Internet. Les plus utilisés sont Google, Yahoo, Ask et Lycos. Qu'est-ce qu'un newsgroup? Est-ce une liste de diffusion d'un site Internet? Est-ce une assemblée de blogueurs épris de journalisme participatif? Ou est-ce un forum électronique reposant sur un protocole de messagerie? Ah! Non. C'est? Ouais, c'est. Un forum électronique reposant sur un protocole de messagerie, les newsgroups forment le sous-réseau Usenet et sont, avec le courrier électronique et le web, l'une des trois grandes applications de l'Internet. À l'origine, surtout utilisées pour échanger des idées, ils sont aujourd'hui très populaires parmi les pirates pour échanger des fichiers qui s'en servent pour télécharger des films et des fichiers multimédia. Mais mets-toi, Mathieu Plante, sans voir le résultat. Ouais. Ben, en fait, je te dis le résultat avant que la page se charge. Donc, à date, la plupart des questions, je les savais, mais... Correct. Ouais. Il y en avait que je n'étais pas sûr. Dont le fondateur d'Internet, j'ai honte de l'admettre que j'étais pas au courant. Oh! Ben, en fait, j'avais entendu le nom, mais je n'avais pas retenu. En tout cas, c'est pas grave. Moi et l'histoire. En France, ils ont un gendarme pour la bourse, l'AMF, et une autorité de régulation pour les télécoms, mais sur le plan mondial, qui s'occupe de la gestion des noms de domaines sur Internet? Est-ce les Nations Unies, l'AFNIC ou l'ICANN? Et là, je disais la France, parce que la question est basée en France, mais ça s'applique au monde entier. Est-ce les Nations Unies, l'AFNIC ou l'ICANN? Répète-moi juste... Nations Unies? Non, pas les choix de réponse. OK. Sur le plan mondial, qui s'occupe de la gestion des noms de domaines pour Internet? OK, les Nations Unies... L'AFNIC ou l'ICANN? L'AFNIC? Non, c'est l'ICANN. Là, je vais attendre que la page se charge pour te lire le petit résumé. Bon. L'ICANN, couramment appelé gouvernement de l'Internet, l'ICANN est une société à but non lucratif de droit californien placée sous la tutelle du ministère du Commerce américain. Depuis 1999, c'est elle qui gère les adresses IP et les noms de domaine Internet, c'est-à-dire la domiciliation des sites web. Ouais. Il y en a beaucoup de questions dans ce petit test-là. Quel format de compression de fichiers ne correspond pas à la lecture de fichiers audio? Est-ce WMV, AAC ou MP3? La compression... Lequel n'est pas un fichier audio? WMV, AAC ou MP3? AAC? AAC? Non? Voyons! Ben c'est quoi? WMV, c'est des vidéos? Windows Media Video, non? J'avoue que j'ai l'air vraiment snob en disant ça comme ça. Le WMV, c'est un format de compression vidéo créé par Microsoft. Bon, hey, vous avez entre 0 et 6 points, François-Olivier. Internet connaît pas, est ton slogan. Vous êtes la risée des internautes. Vous ne faites pas la différence entre un email et un site web. Vous avez une excuse. Vous avez une excuse. Car, contrairement à certains grands esprits, vous avez découvert Internet en mai dernier. Retournez à l'école, il est temps de passer votre brevet Internet et informatique avec la bénédiction de l'éducation nationale. Hey, merci, hein. J'ai aimé ça, cette émission-là. C'est... Moi, j'ai trouvé ça très drôle, en tout cas. J'espère qu'à la maison, vous avez eu un meilleur score. Je sais que personne n'a gardé son score, mais quand même, vous devez vous sentir pas mal intelligent en ce moment. Comparativement à moi. Genre. Hey, mais tu sais, c'est pas parce que je sais pas, dans le fond, qui a inventé Internet que je sais pas m'en servir. Hein. Non, non, c'est ça, t'es capable de taper une adresse web. Merci, Mathieu. De rien. Maintenant, voici la chronique Go Go Gadget. Go Go Gadget, ta mère! François-Olivier, les murs. Les murs, c'est plate. Hein? Mais il y en a partout. Hein? L'hyposurface va passer à travers le on pourrait l'appeler la quatrième dimension, le quatrième mur, avec un mur qui change de forme. Une surface interactive. D'accord? Oh, ouais. Donc, ça utilise des panneaux flexibles activés par de l'air compressé derrière le mur. L'hyposurface peut créer des vagues en trois dimensions, des patterns, des formes, des images et même des mots en bougeant les panneaux flexibles en synchronisation avec un logiciel qui permet au mur de réagir au son et au mouvement. Allez voir la vidéo, c'est fascinant. L'utilité? Simplement la beauté de la chose. Parce que c'est pas acheté. C'est ça, exactement. L'achetez pas parce que vous pouvez le louer. Donc, ça vient avec tout ce dont vous avez besoin. Ça a même un technicien, qui vient avec. Ils disent pas le prix pour l'instant pour Canada, le louer. Ça, aux États-Unis, je crois. Donc, allez voir le hyposurface.org pour les informations. L'article vient de DesignWeb via Ogizmo.com. L'article dit que vous pourriez sûrement accomplir le même résultat en écoutant la musique de Pink Floyd. j'ai aussi posté sur le site parce qu'il nous reste vraiment pas grand temps. On a un bartender automatisé qui fait ses propres drinks et ne vole pas de type. Moi, ce que je déteste quand je vais à la chasse-galerie, par exemple, c'est quand la personne qui est là prend son type sans même me le demander. Me redonne ma monnaie et le met dans son verre de type. Peux-tu me laisser au moins l'acte de te donner le pourboire, s'il te plaît? Ouais, mais d'habitude, il laisse ça sur le bord, comme. Exactement, laisse ça sur le bord. Non, mais non. Moi, je le ramasserais pas, je leur donnerais, mais au moins, laissez-moi l'option de pas le le laisser là. Mais il laisse pas sur le bord, il ramasse sur, il donne le change, puis il ramasse. Souvent, ils prennent le change, puis ils le mettent directement dans le verre. Ouais. Ça arrive souvent. C'est un à côté, il nous reste deux minutes, on aurait peut-être se dépêcher à la place de chialer. Réalité virtuelle, c'est génial. La réalité virtuelle, c'est pas encore devenu réalité parce que on pouvait pas jusqu'à maintenant marcher ou courir avec le chose parce que t'es branché avec des fils, ok? Mm-hmm. Ils ont inventé le Virtue Sphere, ok? Qui est une grosse boule géante sur roulette qui vous permet de marcher dans tous les sens et aller voir la vidéo, c'est absolument fantastique. C'est vraiment une chose qui m'a marqué aussi cette semaine. Le Virtual Space Device qui s'appelle le Virtua Sphere, c'est sur unechance.com. Il y a aussi un lecteur de CD. La forme de lecteur MP3, t'as juste à insérer le CD dans le chose. Ça, c'est cool aussi. Dans le chose. Ben, dans le lecteur MP3 que tu divises en deux, tu rentres le CD. Donc, c'est de la forme de lecteur MP3, mais c'est pas de la grosseur d'un lecteur CD, tu vois, ce genre. Non, je vais revoir l'article. Il y a aussi un... Quelquechose.com. Un hack. Un gars qui a réussi à mapper les boutons d'une Wiimote, une manette de la Wii, pour aller jouer à la Xbox 360 sur un PC via... En tout cas, avec un paquet d'adaptateurs, c'est absolument génial. Et puis un bikini solaire qui recharge en USB. Tabarouette. Et un moteur fait de papier. C'est... Fonctionne? Oui, qui fonctionne. On le voit bouger. Là. On le voit vraiment bouger. Ouais. Je vous lirai pas tous les détails par manque de temps, mais sur le site unechance.com, j'ai posté tout ça. En plus de la chronique cette semaine sur Internet qu'on n'aura pas le temps de faire. On a aussi, j'avais un blog qui parlait de robots. Allez voir les articles, ils sont très intéressants. Plusieurs logiciels, dont un pour redémarrer votre PC, pour enregistrer la radio sur Internet, pour envoyer des fichiers avec le nouveau Microsoft SkyDrive qui vient d'arriver. Tout ça et un paquet de plaisir, je dirais. Hein? Oui, toujours. Avec Mathieu, c'est toujours un paquet de plaisir. Allez voir donc sur le www.unechance.com pour tout ce que votre petit cœur désire. Mais voilà qui fait le tour pour la connexion. C'est la fin pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci à François-Olivier, comme toujours. Ça fait plaisir, Mathieu. C'est toujours très bien. Merci de t'avoir ici. J'espère te revoir la semaine prochaine. Espérons-le. Voilà. Moi, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté. Je vous rappelle que j'anime aussi La Chasse au Coureur, l'émission des découvertes musicales. C'est le vendredi à 10h et le samedi et mardi à 14h. J'anime aussi Les Palmarès C'est Fou en direct le vendredi à 17h et en rediffusion le jeudi à 14h. C'est ce qui nous suit si vous écoutez en direct. Si vous écoutez la rediffusion, restez là pour La Chasse au Coureur. Ah, les gens rient de moi pour plugger mes propres émissions. C'est tellement fin de votre part! Merci François-Olivier, je l'ai dit 4 fois, c'est pas grave. Merci à toute l'équipe fictive. Je m'appelle Mathieu Plante. De la part de toutes... La gang, je peux même plus suivre tellement que tu me déconcentres avec tes signes. La part de toute l'équipe ici, faites attention à vos genoux. Bonne journée, bonne chance. Bye. Bye. On se laisse sur une autre pièce de Flight of the Conchords. Voici Hip Hop Hippopotamus versus Rhinoceros. Dash.com. I'm the mother-flippin' rhinoceros. My beats are fat and the buds are on my back and I'm horny. I'm horny. If you choose to proceed, you will indeed concede. Cause I hit you with my flow, the wild rhyme stampede. I'm not just wild, I'm trained, domesticated. I was raised by a rapper and rider that dated and subsequently procreated. That's how it goes. Here's the hip-hop-hopotamus. The hip-hop-hip-hop. They call me the hip-hop-hopotamus. My lyrics are bottomless. Flows that glow like phosphorus, popping off the top of this esophagus, rocking this metropolis. I'm not a large water dwelling mammal. Where did you get that preposterous hypothesis? Did Steve tell you that perchance? Steve. My rhymes and records, they don't get played. Because my records and rhymes, they don't get made. And if you rap like me, you don't get paid. And if you roll like me, you don't get laid. My rhymes are so potent that in this small segment I made all of the ladies in the area pregnant. Yeah, sometimes my lyrics are sexist, but you lovely bitches and hoes should know I'm trying to correct this. Other rappers dismay, say my rhymes are sissy. Why? Why? Why? What? Why exactly? What? Why? Be more constructive with your feedback, please. Why? Why? Why? Cause I rap about reality. Like me and my grandma drinking a cup of tea. There ain't no party like my nana's tea